bénissons le Seigneur, notre Dieu. Il reviendra pour nous chercher. Bénissons le Seigneur, notre Dieu. Il revient, va pour nous chercher. Il reviendra pour nous chercher. Il reviendra pour nous chercher. Pambola, Pambola, Koloyemo Konzi, Oh, Akonzonga, Kozoabiso, Pambola, Pambola, Koloyemo Konzi, Abiso, Akonzonga, Kozoabiso, Akonzonga, Akonzonga, Akonzonga, Akonzonga, Kozoabiso, Akonzonga, Akonzonga, Akonzonga, Akonzonga, Kozoabiso. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Amen. L'espérance de ton retour est une bénédiction. Amen. C'est la seule raison de grande joie pour nos âmes. Amen. Ce monde n'inspire pas confiance. Amen. Là où va le monde ne rassure en rien. Amen. C'est un bout du tunnel tout noir et sombre. Et Dieu tout puissant, notre espérance repose dans tes promesses. Amen. Et la plus grande d'entre elles, c'est ton retour pour aller vers l'église. Tu as caché les jours et l'heure. Mais tu nous as envoyé un message de préparation. Amen. Avec tous les signaux auxquels regarder pour nous réveiller. Il n'y aura pas d'excuse, mon Dieu. Nous voulons être prêts à tout instant. Tiens nos cœurs près de toi. Nous sommes plus près de Dieu. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Nettoie-nous en permanence, Seigneur. Que la prochaine du sang nous lave. La tache rouge du sang de Jésus-Christ. Elle touche chaque âme. Fiez nos iniquités. Pour ôter le châtiment sur la vie. Et que la paix de Dieu nous vienne. Que la justification nous parvienne. Que la consolation de Dieu entre les que le secours de Dieu devienne réel. L'entrée soit totale dans nos vies. Délivre-nous du malin, de l'ennemi, des poussins. Délivre-nous de tout fardeau. L'ombre et nous empêche de bien marcher. Nous livrons à toi, car tu es le meilleur utilisateur. Toi, le créateur des corps que nous sommes, c'est mieux les utiliser. Quand ils sont des soucis, des problèmes, ils à quoi toucher pour nous délivrer. Notre confiance revient à toi. Il a réuni ce soir. Sois efficace pour chacun. Qu'elle soit utile pour toi. Bénéficie-la dans le ciel des cieux. C'est toi que tu la grailles. Dans le nom de Jésus-Christ, envoie l'évangile maintenant. Purifie-nous. Vous connaissez la vérité. Vous affranchissez. L'envoie ici ce soir. Que chacun soit secouru dans cette vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous t'adorons. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans la Sainte Bible. La Bible est sainte. En Jean chapitre 4. Le verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Malimami, bon dieu milimo n'en sauté, car si bon et camilimo, sokomi outi nanzambe, poète basakoli na olukuta, mingi basili kobima nakati namokili. Apocalypse chapitre 2, et mon noli mokapo yamibale, le verset 2, longo yamibale. Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ce que se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Naïbi misala na yo, na boale na yo, na mpiko na yo, mpe ete okoki kondima batuma bete. Naïbi mpe ete osili komekaba oyo bakolobaka ete bazali bantoma. Nde bazali bongo te, mpe te ozu bango bato na lokuta. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Et à nouveau, nous vous souhaitons le bonheur de la maison de Dieu. Le bonheur de la maison de Dieu. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Nous poursuivons notre thème intitulé Comment éprouver un ministère de la parole. Et ce soir, nous allons prendre l'exemple de l'épreuve ministérielle chez les Ephésiens ou par les Ephésiens, par l'église d'Ephèse. L'exemple de l'épreuve ministérielle par l'église d'Ephèse. C'est-à-dire comment cette église chrétienne a eu à éprouver les ministères en son temps. Nous avons déjà entendu que le seul moyen pour éprouver, c'est la parole. Mais il nous faut prendre un exemple biblique pour renforcer notre inspiration et nous apprendre à faire comme ceux d'autres fois. Apocalypse chapitre 2. La Bible dit que verset 1 et 2, il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Le message est adressé à l'ange de l'église d'Éphèse. Et le mot ange veut dire messager, porteur de message. Et d'après la révélation de la parole, l'ange dont il s'agit ici, c'était l'apôtre et prophète Paul. Paul, celui qui était né sous le nom de Saul de Tarse, et à qui Dieu a donné un changement de nom, et qui est devenu Paul. Et ce changement est signalé dans la Bible ici. Dans Acte au chapitre 13. Nous voyons comment Paul a dit recevoir un nom nouveau. Parce que c'était un vainqueur croyant. Et à la manière de Dieu, tous les vainqueurs qui triomphent, qui gagnent une bataille, chaque fois qu'une victoire est gagnée, un nom est changé. Donc, vous voyez ici dans Actes chapitre 13, Saul de Tarse en train de parler de l'évangile à un homme. Mais il y a eu un magicien qui a voulu s'interposer pour faire des artifices. Pour essayer d'empêcher la repentance, la conversion d'un homme. Or, ce qu'il faisait, c'était une tentation contre l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu a donné le discernement à l'apôtre Paul, il a annoncé un jugement qui a eu des effets immédiats sur le magicien. Non, non, c'est notre pas de notre Dieu. Notre Dieu, on ne les tente pas. Allez dans sa parole, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est lui qui tente en aura pour son compte. Et c'est l'exemple qu'on a ici. Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Baleki kati na esanga mobimba, kino pasa, mpe bakuti mobali moko, wanaye nganga, muyuta, usakoli na lokuta, ukomona ye bala Yesu. Pourquoi la Bible l'appelle-t-elle un faux prophète juif? Faux prophète. Allons-nous dire qu'il s'est présenté lui-même devant les gens comme étant faux prophète? C'est moi le faux prophète? Je vous poserai cette question-là. Est-ce que c'était comme ça? Et on l'a appelé faux prophète ici dans la ville parce que lui-même s'est présenté comme ça devant les gens. Il ne peut pas le faire comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans sa présentation? Il s'est présenté comme étant prophète devant les gens. En d'autres termes, il se disait prophète. Il s'est présenté comme étant un prophète. Mais pourtant les preuves, il faut les comparer à la vraie parole. La vraie parole permettait de détecter dans cet individu-là le mensonge, l'usurpation de fonction, la prétention, le redresse. Vous voyez ça? On analyse les réponses. Et ce que la parole disait qu'un prophète devait être, lui ne l'était pas. Mais il aimait se présenter comme étant un prophète. Mais devant la lumière de la vérité, il n'a pas été démasqué. En présence de vieux chrétiens, l'identité a été dévoilée. C'est un prophète, mais un faux. À cela qui nous a parlé, c'est à nous. Un prophète, oui. Moussa Koliya. Le prophète, oui. Un faux. Cassiola le kouta. Il se dit prophète, oui. Mais après la vérité, il est un faux. Tout comme d'autres peuvent venir, se présentent pas comme prophète, se présentent le travail qu'ils font pour Dieu. C'est à vous de discerner. Et ce n'est pas la vie de mon sens là. L'identité ou la présentation, l'auto-présentation ne suffit pas. Il y en a qui peuvent venir et ne pas vous dire qu'ils sont prophètes. Et pourtant ils le sont. C'est vrai d'ailleurs. Vous n'avez qu'à regarder à la parole. Et voir ce que fait la personne. Et voir comment Dieu l'a appelé. Et cela vous permettra de dévoiler l'identité. Êtes-vous là? Je pense que Dieu voulant, nous pourrons y revenir dimanche. Mais vous pouvez vous rendre compte que dans cette histoire d'identifier le ministère, il y a des ministres qui viennent, qui se présentent en termes de fonction. Et ils disent, il est tel, apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Il les déclare. C'est comme ceux-là qui se disaient apôtres dans Apocalypse 2, que nous sommes dans le cas de Corinthiens. Ils ne sont pas venus les gens pour leur présenter la part au ministère, rien du tout. Avec une identité ministérielle. Il se présente comme étant apôtre. Il se dit apôtre. Il se déclare apôtre. Il se présente comme des fois, c'est accompli. Mais il y en a d'autres qui viennent vous présenter l'appel. Sans insister sur leur identité. Mais des fois par la manière dont la personne a été appelée, vous pouvez détecter sa nature. Écoutez, par exemple, nous allons des parenthèses en parenthèses. Permettez-moi ça. Parce que j'aimerais lire ça pour que vous voyez un peu ce qu'il y a. Amos chapitre 7, un exemple. Vous savez qu'Amos était un vrai prophète. Mais écoutez quand on l'a interrogé. Nous sommes dans une leçon, on peut naviguer et revenir. De toute manière, il faut arriver à retenir la pensée importante. Retenir la leçon. Dans Amos chapitre 7, Amos, Sambo, il est écrit ceci. Et comment il voyait? Il dit à partir du verset 10. À partir du verset 10, descendons. Jusqu'au verset 15. Alors Amasia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Bongo Amasia, Ngangana Betel, Atindaki Epaina Jeroboam, Mokonzina Israël, Yete, Amosa, Asiliko Yangela, Yo, Mwango Kasi, Nandako na Israël, Mokili Eyebi, Koyika, Maloba Nyoso na Ye, Pikote. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera amené captif loin de son pays. Zambi Amosa alobi malobaete, Jéroboam akokufa na mupanga, pe Israël akobotolama solo kino na okangama. Or, un prophète est constitué d'une manière, d'une façon telle qu'il ne peut pas dire ses propres paroles. Mais un prophète, il est un réflecteur. Il est le porte-parole de Dieu. Il a parlé et pourtant c'était le message que lui qui transmettait. Il a annoncé ce que Dieu avait décidé. Ce que Dieu avait mis dans sa bouche. Et il a dit que Jéroboam qui était le roi du pays, et Israël sera amené captif hors de son pays. C'est Israël. Un prêtre qui était là. Un autre soi-disant serviteur de Dieu. Il prend ça comme étant une conspiration de Jérémie contre les pouvoirs politiques du pays. Il prend les paroles du Seigneur dans la bouche du prophète et il en fait une histoire de complot politique. Et il prend ça, il va transmettre à la présidence. Et il y a Amos qui est là-bas. Il fait un grand complot. Il dit d'ailleurs ce qu'il dit. Oh, c'est qu'Amos avait dit. Oh, Amos avait dit. Ce n'est pas les paroles personnelles d'Amos. C'est les paroles de Dieu d'Israël. Oh, il fait un complot. Il dit que toi, Jéroboam, le pouvoir, c'est toi maintenant. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est Banzoi va y aller, pas soda. Ben, voici un massacre. Ok. Et il est allé ensuite communiquer avec lui. Et Amos a dit à Amos. Amos a dit à Amos. Oh ma vision. Vous voyez la difficulté? n'a pas commencé aujourd'hui. Et là, qui est dans les dos d'Amos. On est en train de les détruire. On parle mal de lui. Quand on vient en face d'Amos, on les flatte avec une identité. On ma vision, toi les voyants, flatteur. Mais dans les dos, on parle mal de lui. En son absence, l'on dit du mal. Mais quand on vient devant lui, on change de langage. Pour ton assemblée, duplicite. Des esprits pareils existent jusqu'à présent. Mais lui, le Lenoana Ezali qui nous a fait. Même dans nos églises. Ce ne sont pas tous ceux qui nous appellent pasteurs qui reconnaissent notre ministère. Et ça, il faut le savoir. Oui, il y a des effets qui sont là. Dans les dos, en absence, on met du mal. On met les songis. On souhaite même que malheur lui arrive. On intoxique pour qu'on arrive, on vient l'arrêter. Mais quand on vient devant lui, des hypocrites. Ce sont des perdus déjà comme ça. La première personne est une âme sauvée et puis se livrer à ce genre d'exercice satanique. Le diable est le calomniateur. C'est vrai. Il est divisé et il est calomniateur. C'est ce qu'il est lui, Satan, le diable. Il y a un mot Satan veut dire adversaire, mais le mot diable veut dire divisé. Divisé ou calomniateur. Divisé ou diviseur. Il va diviser les gens, même si c'est un câble. Il va diviser les gens, c'est un câble. Il va diviser les gens. Et Amos a dit Amos. Amos a dit Amos. Oh ma vision. Moteur du monde. Va-t'en. Fuis dans le pays de Juda. Qui m'a n'emboca l'Inde. Mange ici ton pain. Et là, tu prophétiseras. Tu n'as pas au Kosakola. Il y a le conseil. Il te lit à l'Orengeni. Ici, on les reconnaît comme oh ma vision, comme un voyant. Mais ne continue pas à prophétiser avec elle. Quand c'était le sanctuaire du roi. Et c'est une maison royale. Mais c'est lui-même qui est déjà allé mettre les fongis. Vous voyez comme ces esprits manquent la paix. Il se met à dire les choses de son contraire. En disant salut au mabé. Si vous voyez comme il m'a encore conseillé, pourquoi tu dis ça? Duplicité. Ne vous fiez jamais à des gens pareils. Confiez-vous en Dieu de tout votre cœur. Il est capable de vous délivrer des épreuves difficiles. Le piège des méchants. Il est capable de vous en délivrer. Ne comptez sur aucun conseiller. Les gens sont des duplicités. Tu ne sais pas ce qu'ils font en secret. Alors confie-toi en Dieu de tout cœur. Amos répondit à Amasia. Amos répondit à Amasia. Pour l'aider, je ne suis ni prophète. Ni fils de prophète. Mais je suis berger. Et je cultive les sycomores. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Je ne suis ni prophète. Ni fils de prophète. Mais je suis un cultivateur des sycomores. Et je suis aussi un berger, j'ai mes petits brebis, mes petits troupeaux que j'ai encore bien fait. Pour essayer de débrouiller la vie, s'il faut dire. Toi, tu viens m'appeler voyant. Tu m'appelles ma vision. Mais je ne suis ni prophète. Même pas si c'est un prophète. Mon père n'était pas prophète. Ce n'est pas une affaire familiale. Je nous prophétisons par côté familial. Je ne suis rien de tout cela. Mais je suis un berger. Un gardien de troupeau. Je lève mes moutons. Et je cultive les sycomores. Bon, nous allons dire ma vision. Je ne suis pas prophète. Êtes-vous là? Mais attention, il dit, l'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Yahweh a joué qu'il n'a pas de et va passer. Et l'Éternel m'a dit, va, qu'elle me prophétise à mon peuple d'Israël. Ça colle pas dans le canal d'Israël. Comprendre un petit peu. Non, non, non. Il dit qu'il n'est pas prophète. Alors, mais déjà, vous savez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez? Il n'est même pas fils d'un prophète. Attends, pour qu'il commence à soupçonner qu'il pourrait être. Mais il présente sa commission. Il présente sa commission et par là, il brandit Dieu seul comme son défenseur. Il engage Dieu à témoin. Ne pensez pas que le titre m'intéresse. Je n'ai jamais rêvé d'être un prophète. Je n'ai pas envie d'être un prophète. Je ne cherche pas à être un prophète. D'ailleurs, je ne le suis pas. Encore moins fixe qu'un prophète. Mais Dieu m'a pris derrière les brebis. Il m'a pris derrière le troupeau. Et voici ce qu'il m'a dit. Celui qui m'envoie. Et prophétise à mon peuple d'Israël. Lorsque Dieu donne une telle commission à un homme. Il donne un tel ordre de mission à un homme. D'après-vous, quelle fonction occupera-t-il? Même si lui-même dit qu'il n'est pas prophète. Il dément. Il est un démenti sincère. Mais il présente seulement l'ordre de mission que Dieu lui a donné. Il n'entre pas dans les débats, les polémiques sur la fonction. Prophète ou pas prophète, apôtre, je ne dis pas. Tout ce que je sais, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Et je peux vous le répéter. Il m'a dit, va, et prophétise à mon peuple d'Israël. Ça colle là, pas d'Israël. Moi, je devais se demander, mais... Moi, ça croyait comme tout le monde. Il dit qu'il n'est pas prophète. Allez, viens, dame, ça vous l'idée. Mais non, il est envoyé pour prophétiser. Il n'a mis pas à sa colle. Il est qui, alors? Azana n'y est-ce quoi? Êtes-vous là? Vous voulez voir? Et pourtant, nous sommes dans l'Ancien Testament. Donc, on est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de ministère d'évangéliste. Et ça, là, qui n'a l'automne, il n'y a pas de ministère d'évangéliste. Il n'y avait pas de ministère d'apôtre. Et tomate. Dans l'Ancien Testament. Dieu a établi dans l'église. Dans l'église qui a premièrement les apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Il y a les évangélistes et les pasteurs. Êtes-vous là? Et quand on parle de pasteurs dans l'Ancien Testament, Israël, ce n'était pas les bergers des troupeaux des assemblées comme ceci. Comme le roi Akab. Alors il a été vu dans la vision. Que Dieu préparait sa chute. Michel a dit qu'il a vu Israël comme un troupeau sans berger. Le berger dont il était question-là, ce n'était pas les dirigeants d'une communauté locale, d'une petite assemblée, d'entre plusieurs groupes dans les villes. Mais ce berger-là, c'était le roi même du peuple d'Israël. Qu'est-ce que vous avez fait avec Israël en tant qu'individu? Pour que les hommes il considérait toute la nation comme étant une personne. Et à la tête de cette assemblée, il devait y avoir un berger. Et ce berger-là, c'était le roi d'Israël. C'était comme ça. Maintenant, il y a une place où le ministère d'apôtre n'existe. Car là, vous allez dire que le tombe est à la quitter. Où le ministère d'évangéliste n'existait pas. Il n'y avait pas une commission du genre. Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il n'y avait pas. Ça s'est venu dans le Nouveau Testament. Mais Dieu qui envoie son prophète. Qui établit Amos prophète. Il utilise un mot qui va dévoiler à travers la commission. Il est le mal au bord et un verbe qui révèle la fonction de la personne. Il dit va et prophétise à mon peuple d'Israël. Et même en Masia, le duplicite, connaissait qu'Amos avait des visions. Il les savait. C'était vrai. C'était un voyant. Mais ce que nous déplorons, c'est la duplicité. D'aller en son absence, les détruire. Les flatter. Comportement des sorciers. Vous allez lire la bande. En flattant là, c'est pour l'endormir et le distraire. Mais on ne peut pas distraire notre Dieu. C'est vous là. Le Seigneur lui dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. C'était donc, selon la commission qu'il avait reçue, un prophète. C'était effectivement un prophète. Même si lui-même par sagesse. Pour ne pas scandaliser ou se mettre en avant. Il refusait le titre de prophète. Vous savez que Frère Branham a fait des mains. Et le plus faible s'élève et dit, oh mais, c'est lui Branham, il ne s'est jamais dit qu'il était prophète. Mais il y a un problème de confusion là. Le Branham lui-même dit, je ne dis pas que je suis prophète. Mais c'est vous qui dites que je suis prophète. Et si vous croyez ce que vous dites, alors, faites ceci et cela. Faites ce que je vous dis. Êtes-vous là? Amen. Ne vous contentez pas de l'appeler prophète pour juste l'apparence, le maquillage. Un prophète est un porte-parole de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Appliquez la parole. Amen. Ne vous contentez pas de dire que nous savons. Le Seigneur lui dit, va, qu'on a réussi à Kende. Prophétise à mon peuple d'Israël. Et cette commission était celle d'un prophète. Et si Dawana est là qui y a mon sacoli. Il est arrivé dans un autre cas que Dieu aussi qui appelle. Et comment qu'il me commence à dire que là. Et il carrément dévoilé la fonction à son envoyé. Et il l'a appelé et il a dévoilé en même temps à travers ce qu'il lui dit, il dévoile le nom du ministère. Lui, Dieu l'a établi. Prenons l'exemple ici dans Jérémie 1. Et vous voyez là que ce n'est pas un homme qui va se dire prophète. Mais c'est Dieu qui dit de lui qu'il est prophète. N'est-ce pas plus différent? Et que ça dit, dans notre passage ici que nous commentons dans Apocalypse 2, verset 2, tu y as éprouvé ceux qui se disent apôtres. On n'est pas que les apôtres. Verset 5. Verset 4-5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, Je t'avais consacré. Écoutez Dieu qui dit. Yo, comme la je t'avais établi. Na sakio, prophète des nations. Na sakio, mosakoli, amen. Il lui parle. Et la manière dont il est en train de parler, il lui donne l'ordre de mission. C'est la commission de Jérémie. Mais à travers les paroles que Dieu lui-même lui dit en direct, Dieu dévoile clairement et précisément le nom du ministère auquel il l'appelle. Et quand vous avez dit, mais Amos, il ne lui a pas dit j'étais établi prophète. Ou que je fais de toi prophète. Ou que je t'envoie comme prophète. Amos, Dieu lui a dit seulement. Qu'elle prophétise à mon peuple d'Israël. La teneur de son ordre de mission. Le contenu de sa mission. On portait le verbe prophétiser. Comme ordre de mission. Non pas comme une manifestation. Il devait se passer dans les temps. Mais comme une fonction à laquelle Dieu établissait la personne, il devait s'occuper du travail de prophétiser au peuple d'Israël. Car le on et c'est là qui alors, nous pouvons enchaîner la lecture. Il dit ceci. Nous allons enchaîner jusqu'au verset 10. Donc, verset 6 jusqu'à 10. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais pas parler. Quand je suis un enfant. Le bonhomme dit qu'il avait 12 ans. Au moment de cet événement. Jérémie avait 12 ans. Un adolescent de 8 ans. Et regarde comment Dieu lui donne une charge qui lui dépasse les épaules. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Nous ne pouvons nous apitoyer, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il a préordonné le ministère. On n'aide pas Dieu. Il ne faut pas venir lui dire qu'il y a des gens plus capables. Non. Les capacités viennent d'eux-mêmes. Mais quand Dieu veut vous établir dans la fonction, c'est lui seul qui vous équipera et vous rendra capable. Parce que naturellement vous seriez incapable. Mais quand Dieu envoie, il va éduquer. Pour aïe qui confesse à Dieu bouté. Confesse à venir qu'il faut. Et dans ce domaine, il n'y a pas d'interférence. Na mustala wana, nous sommes beaucoup dans le monde. C'est vrai, hein? Amen. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis enfant. Quand le bébé n'a pas de donner moi. Car tu iras. Zambi, okokende. Attends, Zoboya. Okokende. C'est moi qui t'envoie. Pira. Okokende. Vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et paille là-bas. Oh non, sur la cotine, là, yo. Et qui dira tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oui, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, Yahweh, une commission différente. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. En d'autres termes, comme s'il lui a dit, je fais de toi mon porte-parole. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, voilà. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Et sur le royaume. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quelle commission. Est-ce que ça, il pouvait se faire des amis? Un tel envoyé pouvait avoir des amis? Dieu lui dit, t'abattre et te détruire. De ruiner même. Mais aussi de bâtir et de planter. Donc tout ce qui n'était pas de Dieu, c'est profondément démoniaque. Sans pitié, sans froid. Tout ce que Dieu lui dirait, lui ordonnerait. Nous serons encore répété complètement. Lui n'avait qu'à répéter ça. Vous allez dire que nous allons obéir à cause de vous. C'était sa mission. Et c'est là qu'il aime ou ça l'a dit. Que les gens soient d'accord ou pas. Qu'il aime ou non. Qu'il a produit son nom. Ça ne change rien. Dieu l'a déjà établi prophète de nation. Le désaveu des gens ne changera pas ce que Dieu a dit. Nous sommes les corbeaux, nous n'avons pas une chambre de télé. Est-ce que Zamba Chong a raison de vous dire ça? Vous lui signez à Non, dites tout ce que vous dites, hein? Mais dans l'ordre de mission de Jérémie. Dieu qui a tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Ça va être notre cause, nous sommes établi pour arracher et abattre. Pour détruire les ruines. Pour le combat de ça. Mais aussi pour bâtir et planter. Nous sommes au peuple de la costume. Si Jérémie devait planter, voilà un prophète comme Jérémie. Il ne pouvait qu'avoir de nombreux ennemis. Il ne pouvait qu'être détesté haï. Mais Dieu lui a donné la mission. Et il lui a dit, tire vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et pas le peuple de l'Union Sonaïri n'a pas fini d'ailleurs. Tire auprès de tous ceux chez lesquels je t'enverrai. Et pas le peuple de l'Union Sonaïri n'a pas fini d'ailleurs. Tu as ma mission. Et Dieu a fait de lui un prophète. À travers la commission, il lui a montré quelle était sa fonction. Et après qui est mais pour Jérémie, vous voyez que les deux aspects sont venus. Si Dieu ne lui avait pas littéralement dit, je t'ai établi prophète des nations. Mais pour un croyant spirituel, lorsqu'il peut lire au verset 9, dans sa commission. Ça décrit la fonction d'un prophète. N'est-ce pas vrai? Donc, pour un croyant spirituel, il comprend. Mais que Dieu l'ait dit encore plus clairement dans une autre phrase, gloire à Dieu tout le monde. Amen. Amen. Et ici dans Ézéchiel chapitre 2, voyez encore une situation. Ce que Dieu a dit à ce prophète Ézéchiel. Ézéchiel 2 verset 1. Ézéchiel le mukapami bali mulongo yambo. Ok. Nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 7. Donc on zoom longo yambo kine na mulongo yambo. Il me dit, fils de l'homme. Alors bien comment on a monté. Tiens toi sur tes pieds. Et je te parlerai. Dès qu'il m'y adressait ces mots, l'esprit entra en moi et me fit me tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Vous voyez que même si naturellement vous n'avez pas la capacité, à travers l'ordre de mission, la parole que le Seigneur vous adresse, il y a une capacité surnaturelle qui s'ajoute. Il y a une force que Dieu place dans l'homme. Comprenez que c'est Dieu qui rend capable. Dans lui, personne ne fait rien. Sauf qu'il y a un peu de temps. l'expérience d'Ézéchiel est claire. Dieu vient me dire, fils de l'homme, tais-toi, je te parlerai. Dès qu'il me arrêtez ce mot, l'esprit entra en moi. Mon livre est contacté Katina. Et me fit me tenir sur mes pieds. Il n'a fourni aucun effort personnel. Mais celui qui lui a parlé l'a rendu capable. De faire ce que lui Dieu lui disait de faire. Il en est ainsi pour tout ministre mandaté. Amen. Dieu ne parle jamais en bas. Derrière ces paroles, il y a une capacitation. Voilà pourquoi il veut dire que si quelqu'un exerce un ministère, 1 Pierre 4, verset 10, il exerce selon la force que Dieu communique. Il ne peut pas utiliser sa force personnelle, ni sa force familiale, ni sa force intellectuelle. La force doit venir de Dieu seul. Mais c'est difficile, Dieu ne vous a pas établi. Comment va-t-il vous donner cette force? Il n'y en aura pas. Vous allez forcer les choses à votre côté. Vous ferez la popularité comme numéro. La popularité comme numéro. Dieu ne nous a pas choisi. Moïse, avant le temps de Dieu, il a fait aussi les choses par lui-même. Il est allé tuer un Égyptien. Il a poursuivi un frère. Vous voyez, frère? Et cela lui a attiré des amis. Il a poursuivi. Il est devenu un poltron. Parce que le temps de Dieu n'était pas là. Oui, c'est ça, dame, mais... Il devait rencontrer la voix surnaturelle. Et c'est même si il avait la conviction au-dedans de lui. À partir de l'éducation reçue de sa mère et de son cabaye. Le nom dit que Moïse se savait appeler de Dieu depuis son enfance. Et sa mère croyante, une femme pieuse. Maman aïe, pendant mon Joquebec, il lui avait expliqué les circonstances étranges de son naissance. Dieu l'avait épargné d'une mort certaine, il a placé en lui une sorte de foi intellectuelle. C'est lui que Dieu allait délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse a eu à croire à ses explications. Il a regardé autour de lui, il a compris qu'il était convaincu. Il ne peut pas être autrement sa délire. Il travaille pas comme ça. Dans le grand Jésus, le présent, le présent, l'actualité. Voilà pourquoi au buisson ardent, ça la peine nous venir tout le temps. La voix sur la terre. Non, ça c'est pas qui nous envoie. Dieu a fait le pont. Ça me fait à couper la quille. Entre les explications que Moïse savait, et l'actualité, l'expérience vivante que Dieu lui donnait. Il a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. Et quand il a entendu ça, Moïse se rend compte que le Dieu dont sa mère lui parlait, avec ça, un homme dit que la foi de Moïse réussit alors l'onction. Elle fit ouais ce jour-là. Et par quoi la matin vous connaissez? Pour chercher des signes de foi intellectuelle. Mais pour devenir une révélation spirituelle. Tant que vous ne l'avez pas rencontré, vous allez parler d'un Dieu historique. Dans les choses que vous ont parlé, dont le Brenham a parlé, Brenham a rencontré, vous avez rencontré lui-même. Vous allez savoir les choses seront différentes. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mais je te suis apparu, pour t'envoyer en Égypte, pour que tu ailles libérer mon peuple. J'ai entendu l'esprit. Et j'ai vu les oppressions que les Égyptiens leur font subir. Mais je suis descendu pour les célébrer. Et je t'envoie vers son père. Ça, c'est Dieu parlant à son prophète. Et il lui a donné une capacité nouvelle qui a mis fin à ses peurs bleues. Moïse avait fui et juré de ne plus rentrer en Égypte. Depuis, parce que les services de sécurité les recherchaient pour mettre un récit de volonté. Maître prémédité. Il avait tué les Égyptiens si avant. Les agents de sécurité cherchaient Moïse. Et lui s'est dit, je ne parlerai jamais. C'est que naturellement vous n'êtes pas capable de faire, hein. Parle pour vous envoyer. Sa voix, il y a une capacité. Il y a une force surnaturelle qui vous fera réaliser ce que vous voulez faire de vous-même. Alléluia. Il est mon Dieu vivant. Il est le même jusqu'à présent. Ne doutez pas. Il est vivant, il est réel. Le voilà par là, Ézéchiel. Et dès que Ézéchiel a entendu sa voix, il avait des mots. Dès qu'il me dit ce mot, l'esprit entra à moi. Et lui-même l'esprit, c'est lui qui lui parlait. Il est venu debout. Vous voyez que quand il y a une commission, c'est tellement merveilleux que l'homme n'a pas de force personnelle à faire. Et comment je vais le faire, c'est ce que Dieu me dit de faire. Mais l'esprit de celui qui t'envoie, lui-même s'emparera de toi. Fera lui-même ce qu'il s'agit de faire. Pourquoi mes amis, dans le ministère, ce n'est pas l'homme qui le fait. C'est l'esprit l'onction dans l'homme. C'est l'esprit de celui qui envoie. Et c'est le diable qui vous envoyait. Et le diable vous aideront beaucoup. Je vous ai dit dans les sermons, la plus grande bataille jamais livrée. Par le temps, on envoie. Le diable et ses démons sont loin. Le diable et ses démons sont loin. Et ils sont de l'onction à partager. Mais il peut le pas voir comme avec ton atelier des ministres de Satan. Pourquoi mon père dans la ils ont été démasqués chez les Éphésiens. Mais quand la personne m'a dit pour le connaître la bataille. Et qui vient prêcher aussi la justice. Mais il prend côté à il veut vous prêcher la repentance. Bah côté de nous vous vous changer de côté pour le système mauvais. Le Dieu vient. Donc c'est la femme de Dieu. Mais ce sont les envoyés du diable. Donc quand même ça va pin dans les tables. Ne suivez pas ces apparences là. Bon, la netteté est vraiment la même. Il faut éprouver l'esprit qui est dedans. Et c'est nous comme nous comme nous êtes là. Ah, les frères, ils sont arrivés. Je voulais justement les dire d'eux. Oh, j'avais à peu près 4 ou 5 choses encore, mais je vais m'en tenir là. Pour le moment, je reviendrai dimanche prochain. Ah, voilà la phrase. À la fin ici, non? Qu'est-ce que vous lisez? Vous savez que ça attend. Satan, c'est démon. À ta quoi l'ami? Satan lui-même. Satan lui-même. Et les démons de Satan. Na, ma de Satan. Ouais. Ma parole, ils ont de l'onction. Mais là, il n'y a pas quoi. C'est pas l'onction de Saint-Esprit. Là, il n'y a pas de problème. L'onction de Satan. Il n'y a pas quoi. Satan. Diable. C'est mauvais. Ça m'a dit. Méfiez-vous de ça. Regardez maintenant ici. Verset 2. Verset 2. Dès qu'il m'y adressait ces mots. Et c'est là qu'il y a que le de la naïve. L'esprit entrait en moi. Et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parle. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle, qui se sont révoltés contre moi, et leur père, ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente. Et aucun endurci. Je t'envoie vers eux. Je t'envoie vers eux. Voyez qu'il envoie fils de l'homme. Il envoie un fils de l'homme. Quelle est la révélation du message? Le fils de l'homme, c'est un prophète. Oui. Et il leur dira, pourquoi il dit ça dans l'eau? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Bon, il y a le dit, colle, yaoui. Écoute. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Bayoka. Bayoka, c'est. Car c'est une famille de rebelles. Zambi, Bazali Dibota. Rappelez-vous qui est dit dans sa commission. Yoka, exactement comme dit Frère Brennan. Vous pouvez voir par la façon dont Dieu vous appelle quelle est votre position dans le corps de Christ. Vous aussi, vous pouvez voir par la façon dont Dieu vous appelle quelle est votre position dans le corps de Christ à travers l'appel. Pour Jérémie, c'est clair. Bon, allez, les pour Amos, c'est clair. Bon, Amos, pour Ézéchiel, c'est même. Bon, Ézéchiel, c'est même. Pour les dames, c'est même chose. Bon, seul, on a fait ici, c'est animé encore. Et pour tous les envoyés d'Élie. Bon, la bâtisse de l'Élie, c'est notre dame. Êtes-vous là? Vous allez voir, c'est assez clair. Qu'ils les écoutent ou bien écoutent pas, c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. C'est Dieu qui l'a appelé prophète. Alors, verset 6 et 7 pour finir la pensée ici. Et toi, fils d'homme, ne le crains pas. Et ne crains pas leur discours. Toi que tu ailles auprès de toi de rance et de sépines. Mais aux environnés là-bas, zoomé. Na ba tumo gozina zinga na yuwana baza ga banzume na matiti ya mkusa et que tu habites avec des scorpions et te okubana ko tel ofana na ne crains pas leur discours obanga bale bale bangote et ne t'effraie pas de leur visage c'est onze en somme pour la gloire de Dieu soit une famille de rebelles attaque bazali ba di bota na batombo il leur dira mes paroles okubana bango mane banangai le même Dieu qui a dit à Jérémie, je place mes paroles dans sa bouche. C'est ça, mais le mot qu'on a le bâquet, c'est une phrase ici chez Ézéchiel, dont l'identité ministérielle est la même. Tu leur diras, mais au lieu de moi dire, il leur dit directement. Donc tu seras mon porte-parole auprès d'eux. C'est toujours la fonction d'un. Toujours un. Ok. Tu leur diras mes paroles. Qu'ils s'écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Car ce sont de la bête. À ce moment-là, la chose est là. Nous avons pris trois exemples de deux prophètes. Aucun d'eux ne s'est dit prophète de lui-même. D'ailleurs, Amos c'était plus clair. Il a même nié être un prophète. N'est-ce pas vrai? Trois exemples bibliques. Mais à l'opposé, vous avez un faux prophète qui est allé avec cette identité. Car lui, c'était un je crois. Nous rentrons dans Acte 13. La parenthèse que nous avons ouverte là, il faut que nous puissions la fermer. Ok, c'était Acte 13. Nous avons lu le verset 6. Et nous allons lire le verset 8. Et ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Maléka kikati na esanga mudimba, kino pafa, mpe bakuti mobali moko, wanaye nganga, moyuta, mostakoli na lokuta. Komo na ye, bala Yesu. Bar-Jésus. Bala Yesu. La racine ici, Bar. On est d'accord avec Bar, oui. Anarame Yesu. Ça signifie fils de. Et il dit que moi-même. Fils de. Moi-même. Donc lui, le nom, il est le nom qui est. Non seulement il s'est présenté comme un prophète. Alors, il a un surnom. Alors qu'il compte comme moi, Nicolas. Appelez quoi? Je vais vous dire. Bar Jésus, donc fils de Jésus. Moi-même, yes. Imaginez parmi les fils, une telle identité. Et communiquer des révélations aux gens, annoncer des visions aux gens, et se présenter comme étant le fils de Jésus. Oh, c'est comme Bartimée. Bartimée, ça signifie fils de Timée. Et Simon Pierre, il était Simon Bar Jonas. Bar Jonas. Hein? C'est-à-dire Simon, fils de Jonas. Simon, moi, Pierre là, qui est l'apôtre là. Petro, Thomas. Son nom c'était Simon. Comment il avait Simon? Bar Jonas. C'est-à-dire Simon, fils de Jonas. Simon, moi, Jonas. L'aveugle Bar Timé. C'était le fils de Timé. Maintenant, le faux prophète ici, s'est fait appeler Bar Jésus, Jésus qui signifie fils de Jésus. Donc Jésus t'a taillé moi. Et pourtant, un faux prophète. Mes amis, sa identité est l'aide de sa communauté. Où la moutarde va se présenter, tourner en commission. Pour qu'il ne m'a pas mis l'aide. Par les trois exemples qu'on a lus dans le testament, la a interrogé la commission. Jésus ne m'embrouille pas. Vous pensez que vous pouvez dire commission, ça va être l'ONU. Thomas Gawana. On a vraiment. Jésus nous a répondu à votre commission. Ça va nous aider à trancher le débat. Mais nous. Bah Jésus c'est moi. Je suis le fils de Jésus. Mais un faux prophète. C'est la parole qu'il a démasquée. Ce sont les vrais croyants qui l'ont détecté. Les aveugles et les infidèles pouvaient toujours continuer à les suivre. Et surtout avec un tel nom, Bah Jésus. Voilà le raisonnement pervers. Au lieu de trouver les esprits, on est en train de faire la philosophie. Et prouvez tout par la parole de Dieu. Ne suivez ni les paroles, Il était avec le proconsul Sergius Paulus. Comme la malle va vous être, mon frère. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Voilà. Homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas. Et seul. Et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien. Car c'est ce que signifie son nom. Elimas, c'est ce qu'il était son nom. Il était surnommé Bar-Jésus. Voilà comment le diable utilise ses serviteurs pour tromper la vigilance. Son nom Elimas, avait une signification sorcellerique. Voyez là, ça signifiait le magicien. Le magoï, en grec, le mot magoï, traduit par magicien. C'est le même mot magoï qui signifie également sorcier. Donc, l'identité naturelle qu'il avait, il renouvelle ça, et il fait la promotion d'un surnom. Le faux prophète vient à vous en vêtements de brebis. Mais ils savent ce qu'ils sont dedans là. Et formule matos. Amen. Mais Elimas, le magicien. Elimas, car c'est ce que signifie son nom. Leur faisait opposition. Le fils de Jésus qui s'oppose à l'évangile de Jésus. Il fait l'opposition sur le chemin de l'évangile. Que ceci vous aide encore. Elimas le magicien. C'est ce que signifie son nom. Opposition. Cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Après Barnabas, le prophète, le vrai prophète Barnabas. Pour passer sans malam. Alors lui vient là, il commence ses incantations. Il détourne ses pas. Quand on dit homme intelligent, c'est dire que le magicien voulait jouer sur le cerveau. Il voulait jouer sur l'intelligence, le proconsul. Utiliser les doutes, l'art du doute. Pour l'amener à l'incrédulité. Il ne croit pas le projet. Comme ça, il reste dans le cas de Satan. Un gaillard qui travaille pour les intérêts de Satan. Mais il est mort sur le nom de fils de Jésus. Et souviens au sens là. C'est comme maintenant, si tu es fait. Même si c'est reconnu par beaucoup de gens, méfiez-vous. Éprouvez les esprits dedans. Dieu qui vous éclaire. Le vainqueur qui reçoit un nouveau nom. Amen. Mon cœur est sur le champ de l'évangile. Alors nous sommes appelés aussi Paul. Paul. Rempli du Saint-Esprit. Fixant le regard sur lui. Et dit. Homme plein de toute espèce de ruse. Et de fraude. Fils de qui? Yébani, fils de Jésus. Mais le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Nous avons déclaré la guerre. On s'est mouillé à tout péché. Que ce soit la malice et la ruse. Mais je vais attacher même l'histoire. Nous vaincrons au nom de Jésus. Et Dieu nous donnera un nom nouveau. Il a promis dans l'Apocalypse. Hein? Il a donné à ce temps un nouveau nom. Après ça, la victoire, c'est une merveille. Il prend maintenant le nom de Paul. Ok. Il dévoile son identité. Non seulement on a découvert que son nom originel c'est Elima. Vous savez que beaucoup de ces vedettes là, cachent leur vrai nom de naissance. Même de notre terre, de notre pays. Attends, c'est un peu sans souci, comment on est amis? Hein? Qui savait ça? Non, il va bien. Voilà. Il regarde sans souci. Où est la sonne? Quel est son nom? Ah! Dieu nous aide, hein? Ça marche, monsieur. Ah, bah, tu me sais, c'est vraiment. Il va nous couler comme la mongo. Soso. Soso, quel est son nom? Les joueurs, là, Soso. Il y a un joueur qu'on voulait appeler Soso. Hein? Voilà. Au moins là, au moins. Gloire à Dieu. Donc les vedettes sont comme ça. La vraie identité est souvent cachée. Wema. Papa Wema. Hein? Voilà. Fungu Wembadio. Et on a coupé son poste, nous là. Wemba Dio, on a coupé Wemba, et c'est devenu Wemba qui est connu partout. Mais son nom, ce n'était pas Wemba. Comment on est avec Wemba? Voyez pas? Comme on a dit Jili. Jili Chumbu. Wemba Dio. Imaginez. Papa Wemba, papa Wemba, papa Wemba, papa Wemba. Ici aussi, bon Jésus, bon Jésus. Ah, après, bon Jésus. Mais le Saint-Esprit a aidé les chrétiens. C'est moi, vous savez, c'est moi qui va faire ça. Vous avez fait qui est l'image de l'Église là-bas, Dieu, Ndoki. Ah! Béni soit le nom du Seigneur. L'Esprit de Dieu révèle les profondeurs. Même les esprits de Satan, ils peuvent voler ça. Lorsque ça allait bien danger sur le chemin des chrétiens, on communique à la terre, la mission, pas à chacun d'ailleurs. Amen. Est-ce que tu vois, monsieur? Yo, au Tony, le lingue non sur la rue. Donc moi là il y a Nyoka, qui fils du diable. On a dit moi là un tabou. Hein? Quand on va prendre la moto à Yébani, moi là Yes, Yé moi là Zambé Kaka, Azaga moi là Zambé Yes ou Azaga Yanzambé, Yé Azaga moi là Yes. Et là on semble partout, là qui moi là Yes, moi là Yes. Mais le Saint-Esprit dit fils du diable. Et quand on va dire moi là un tabou. Pas cette tromperie montée de toutes les espèces. Les menteurs qui viennent pour tromper. Les ouvriers de Satan, ouais pour le Satan. Satan n'a pas comme il faut la cocosse. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. C'est le mouillé. C'est le mouillé. Où il y a beaucoup d'identité. Zambati, on a mis sur la terre, on a un prophète. Mais Zambati, il y a une autre. Où est-ce que vous dites la prophète nous en voit. Lui, il a une étude de prophète. C'est qui? C'est Dieu qui établit le prophète. Amen. Où c'est de lui-même? Toi, il ne pas. Si c'est l'âme de moi, il est prophète. Mais celui qui établit le prophète ne le connaît pas. Car toi, il est pas capable de ça s'appelle fraude. Vous avez quand même oui. Oh, vous l'avez amené, c'est pour les gens. Tu vas amener ça pour les lits. Amen. Nous, toi, il y a un peu de temps, il va s'y être. Amen. Dans le royaume de Dieu, on y s'improvise à part. C'est Dieu qui a établi sa église. Pas l'homme qui s'établit lui-même. Moi, l'homme qui vient établir ce père, c'est l'autre. T'as compris? Mais dans votre période, on a dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez membre d'église, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, des choses comme ça. Déjà même celui-là qui fait ça, un fraudeur. Na on veut ça, mouillit. Na mon toi yopé, à ma douce, fraudeur. Amen. Toi yé bé la bango. Amen. Na l'oubi, hein? Toi yé bé la kabango. Amen. Fungo la miso, toi yé bé la kabango. Batouana. Il ne veut pas de la parole, il faut dire n'importe quoi. Mais lui, il ne veut pas de la parole. Quand vous allez, oh, vous là-bas, vous pensez que vous comprenez. Vous allez la parole. Vous dites, non, il dit, mais il ne veut pas de la parole. C'est quand on intimide pas d'ensemble. Oh, là où il y a l'esprit de Dieu, là il y a la liberté. Amen. Liberté aussi pour juger d'après la vérité. On s'en dit pas pour la consomme de la consomme de la consomme. Fils du diable. Mon diable. Ennemi de toute justice. Point de pervertir les voies droites du Seigneur. Un pervertisseur. Le corps a fonction du prophète est utile dans sa mété. Quand il va assumer ça, c'est pour pervertir les voies droites. De là, jamais va se mouiller. Il y a comme un le chapeau de Sayango, comme Bongola Bongola Yango. Parce qu'il n'a pas été établi par Dieu. Parce que sa machine est établie. Il vient rendre service à Satan son maître. Je ne constate pas que vous congénérez Satan. Ne l'écoutez pas. C'est un pervertisseur. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Et tu seras aveugle pour un temps. Et tu ne verras pas le soleil. Tu vas bien? Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, et il va frapper de la doctrine du Seigneur. Amen. L'autorité de la parole. Amen. Ah! Elle n'est pas devenue inefficace. La même parole, vous l'entendez maintenant. Elle est vivante et efficace. Elle est agissante dans ce qui la croit. Elle croit de tout mon cœur. Elle est toujours agissante. Elle transforme encore les caractères. Elle libère les iniquités. Elle nous sauve les emboutements. Elle nous purifie de nous soigner. Elle nous donne la sainteté de Dieu. Elle nous donne la joie du salut. Elle porte la paix au cœur. Donc la joie de vivre. Gloire à Jésus pour toujours. Elle guérit toute maladie aussi. Beau sanaté, elle guérit toute maladie. Pas devenir efficace. Elle est toujours vivante, efficace. Que cela te frappe aussi. Que cela aussi frappe ta foi. Que cela mange ta foi. C'est le système qui t'a fait tourmenter. Et le système éternel. Il a été pris fort. Il a été démoli. Il a été démoli. Voilà le messager de l'église de fait. Saul, aussi appelé Paul. Saul, un vainqueur confirmé. Mais et c'est à lui que dans Apocalypse 2, il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Comme elle a moins de l'église d'Éphèse. Selon la révélation de la parole, cet ange-là était ce Paul-là. Moi, je vois dans la qui lui, Paul. Vous retrouvez maintenant que c'est lui qui avait fondé l'église d'Éphèse en l'an 53 après Jésus-Christ. Je n'ai pas dit ça que quel est l'Éphèse de Namoukoua. Le Coran de Grèce aurait sur le Saint-Esprit par l'imposition de sa main. Bah, de sa main. Êtes-vous là? C'était ce qui s'était passé. Et Paul était le premier pasteur. Paul était le pasteur titulaire là-bas. Celui qui a commencé l'œuvre. Au nom du Seigneur. Et maintenant, il est où verset 2? Ça c'est pour ton travail. Bon, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Lui-même a-t-il supporté les méchants? Le prophète a été dévoilé. Vous pouvez démystifier complètement. On est allé jusqu'à ressortir son vrai nom. Il y a Mboka. Ah bah trop pélu, on a babalé Jésus, on a bédé tout ça. Na, bah comment on a coco ça, quand on a babalé Jésus, on a dit. Babalé Jésus. Babalé Jésus. Oh, moi, on a Jésus. Moi, on a Jésus. Il y a qui, moi, on a zambé caca, moi, on a zambé caca. Il y a un zambé caca. Il y a pas comme sauté. Mais en train de pervertir le bonheur. Quand je dis que même si on dirait un zambé. Les hommes pareils méritent la sanction. Bah, tu as donc des écoles au point, ça m'a fait un coup. Comment vous allez voler la confiance de tout un peuple? Mais les gens qui commencent à la prendre, quand ils sont montés, ils vont s'en dire. Mais qui font pas la yo, qui maillent, ma bête. Pour ça, la camarade, vous m'avez fait sur confiance. Mais j'en bats yoté. Aïe bibé yoté. Mouyibi. Frodé. Amen. Amen.